salut, je m'appelle Jean-Philippe, je suis né de bonne famille. Mais le hic, c'est que les gens que je kiffe ne me kiffent pas. Ils m'esquivent à croire que je suis comme un putois. Que je pue quoi, même si je ne fume pas. Que je ne cuve pas car ne bois pas. Je suis en bonne santé, j'ai tout pour plaire. Je suis grave chanceux, j'ai mon père et ma mère derrière moi, qui me paye chaque mois. Le bahut, les fringues, d'elle et la turquoise. Donc tu vois, je n'ai pas à me plaindre, mais t'entrevois dans ma voix que je suis dingue. Car on me rabâche sans arrêt que ma vie est sans arrêt. Et si je me sens mal barré, on me dit seulement arrête. Non, je ne suis pas taré, mais ne vis que dans le paraître. C'est le seul moyen que j'ai pour que personne m'arrête. Oui, je sais que j'ai de la chance, que tu aimerais avoir mon compte en banque. Pas d'argent, pas de vacances, mais je sais, tu t'en contentes. J'en ai trop marre de ne plus être moi-même. Ça serait mieux passé si je m'appelais Mohamed. Problème. J'aime le rap et j'aime la techno. Donc les jeunes autour de moi me prennent pour un vieux techno. C'en est trop, la prochaine fois je prends le micro et je crie haut dans la cantine que je kiffe haut. Cette fille bide bide beau, bide bide ou pas. Je préfère être fixé dès le départ. Pas de faux par deux fois, elle ne m'aime pas. Et en plus touche une bourse, donc mes parents l'aiment pas. Je repars en colère car j'accumule les lergas, les incrédules du regard. Ce qui est grave, c'est que je suis harcelé par des filles vénales qui m'aiment parce que j'ai tout ce que je veux et tout ce que je peux y faire, c'est de faire avec et de me la fermer. Oui, je sais que j'ai de la chance, que tu aimerais avoir mon compte en banque. Pas d'argent, pas de vacances, mais je sais, tu t'en contentes. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Je t'envie pour ce que tu n'as pas. Tu trouves ça sur mon avant. Plus j'en ai, et moi je suis content. Plus j'en ai, plus j'en veux, et moi je suis content, moi je suis content, moi je suis content. Plus t'en as, plus vraiment besoin, vraiment besoin, vraiment besoin. Plus j'en ai, plus j'en veux, et moi je suis content, moi je suis content, moi je suis content. Plus t'en as, plus vraiment besoin, vraiment besoin, vraiment besoin. Plus j'en ai, plus j'en veux, et moi je suis content, moi je suis content, moi je suis content. Plus t'en as, plus vraiment besoin, vraiment besoin, vraiment besoin.